Let's get on it.

21 Thank you. 21. We'll be right back. Latin. 21. Oh. Vous écoutez Radio 21, il est pratiquement 3h du matin, ce qui veut donc dire que notre émission techno proposée par le Fuse reprend son ancien horaire de minuit 15 à 3h chaque vendredi jusqu'au 1er septembre. Nous étions cette nuit en compagnie de Carl Craig et à l'instant de Pierre pour un mix proposé comme chaque semaine par le Fuse. Bonne fin de nuit, bon week-end sur 21 et à la semaine prochaine dès minuit 15.